mais y'a pas de poteau. Y'a que des abeilles qui tournent autour du miel. On n'est pas aveugle, hein. On vous voit, on vous a l'œil. On a capté votre manège. Laisse qu'à faire du ménage. Quand j'étais ancien, dis-moi si tu étais là pour moi. Si je fais plus d'argent, dis-moi si tu marcheras avec moi. T'es qu'une connaissance, ne crois pas que tu es mon poteau. Y'a qu'un gardien de foot ou un panneau qui a des poteaux. Vaut mieux marcher seul que marcher avec des faux amis. Lève-toi ton lit, travaille et va passer ton permis. Compte sur personne à part ta daronne et ta mifa. Si tu rentres en toi, là part ta mère qui t'assumera. Ne dis pas que t'es mon pote, t'es mon poteau. Ne dis pas que t'es mon pote, t'es mon poteau. J'suis un solitaire, j'marche seul, j'ai pas de poste que des frères, des frérots. Mon moral est à zéro, à zéro. Dans les poches, pas un euro. Faut que je trouve un taf, j'arrive pas normal, j'vis dans le ghetto. Ne dis pas que t'es mon pote, t'es mon poteau. Ne dis pas que t'es mon pote, t'es mon poteau. J'suis un solitaire, j'marche seul, j'ai pas de poste que des frères, des frérots. J'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai traîné la nuit entouré de tarés. Mon daron m'a dit fais gaffe à tes fréquentations. Si tu marches avec eux tu te feras une sale réputation.